L'auberge du monde par Hector Malot. Deuxième partie, la marquise de Lucilière. Chapitre 1er. Un assassinat en plein jour, à quelques lieues de Paris, au beau milieu d'une grande route, sur laquelle ordinairement la circulation est active, est un fait assez intéressant en lui-même pour provoquer la curiosité publique. Mais lorsqu'autour de ce fait se groupe une série de circonstances caractéristiques, lorsque celui qu'on a tenté d'assassiner est un homme dont tout Paris s'occupe, lorsqu'au lieu d'être mort sous le coup de couteau qu'il a frappé, ce qui simplifie toujours les choses, il n'a été que grièvement blessé, ce qui laisse place aux complications de l'inconnu et de l'incertain, en même temps qu'aux manifestations de la sympathie, lorsque cet assassinat était accompagné d'une longue lutte dramatique, que chacun, pendant les premiers jours, peut raconter à sa manière en arrangeant ses péripéties suivant les caprices de son imagination, alors, cette curiosité peut se changer facilement en une véritable fièvre si les journaux, n'ayant pas d'autre actualité sous la main, s'entendent pour les prôner d'heure en heure. C'est ce qui s'était produit à propos de la tentative d'assassinat dont le colonel Chamberlain avait été victime dans la forêt de Marly. Le lendemain, tout Paris ne parlait que de cet assassinat et ne s'occupait que du colonel. Vous savez que le colonel Chamberlain était assassiné. Ce colonel américain qui possède les plus riches sources de pétrole de la Pennsylvanie, lui-même. Celui qui, le jour de son arrivée à Paris, a perdu 400 000 ou 500 000 francs dans une soirée chez une cocotte. Alors, ce colonel Chamberlain était décidément voué aux aventures. Et il a dû trouver qu'un voyage en France n'était pas aussi agréable qu'il se l'était imaginé. Savez-vous que ce n'est pas encourageant pour les étrangers? Eh bien, tant mieux. Ils resteront chez eux. « Est-ce que vous ne commencez pas à trouver que Paris est inhabitable avec tous ces étrangers qui s'abattent chez nous? Moi, j'en ai assez. Je vais m'en aller en Suisse ou en Allemagne. J'y trouverai peut-être des Français. »« Je connais quelqu'un qui doit être bien désolé de cet assassinat. Qui donc? Le baron Lazarus, parbleu. Vous savez qu'il était en train d'arranger un mariage entre sa fille, la blonde Ida et le colonel. Les millions de celui-ci avaient allumé son appétit allemand. Allons donc. » Je sais de façon positive que le colonel devait épouser la nièce du prince Mazzazoli. Alors c'est un niais, votre colonel, parce qu'on n'épouse pas une femme comme la belle Carmelita. Quoi qu'il en soit, les créanciers et les fournisseurs du prince Mazzazoli étaient déjà dans la joie. Ils se voyaient payés dans un avenir prochain et le couturier de la belle Carmelita, qui ne voulait plus continuer son crédit, avait promis de nouvelles toilettes. C'est là un fait qui en dit long, il me semble, et qui permet de conclure. Et moi, je vous affirme qu'il n'était question de mariage pour le colonel ni avec la blonde Ida, ni avec la brune Carmelita, attendu qu'il était entre les mains de la marquise de Lucilière, et que celle-ci n'aurait pas été assez simple pour rendre la liberté à un homme qui a plusieurs millions de revenus et qui de plus est jeune et beau garçon. Vous savez, messieurs, que je vous admire avec tous vos mariages. C'est très bien inventé. Malheureusement, pour l'appétit allemand du baron Lazarus et pour les créanciers du prince Mazzazoli, il n'y avait pas un mot de vrai dans toutes ces histoires. Vous en avez une autre, plus vraie? Assurément. Le colonel devait épouser une de ses parentes, une jeune fille pauvre, et c'est pour ce mariage qu'il était venu en France. Je le tiens de Pompérant, et vous conviendrez que celui-là doit être bien informé. Il était lié depuis plusieurs années avec le colonel, et il avait été son prisonnier dans la guerre d'Amérique. Pompérant était désolé de ce mariage. C'était même très amusant d'entendre ses gémissements à ce sujet. Il cherchait une princesse pour son ami. Tout cela n'empêche pas que c'est en allant chez la marquise de Lucilière et à une courte distance du château de Chalençon que le colonel a été frappé. Pourquoi ne pas admettre que c'est un rival qui a voulu se débarrasser du colonel? Parce que nous sommes en France et que ce n'est pas une habitude française de faire assassiner ses rivaux. On ne trouverait pas assez d'assassins et il faudrait se charger soi-même de cette vilaine besogne. Êtes-vous bien sûr que nous soyons en France? Géographiquement, oui, j'en conviens. Mais moralement, Paris n'est plus Paris, c'est l'auberge du monde. On y rencontre des gens de tous les pays, qui naturellement apportent avec eux leurs mœurs et leurs habitudes. Pour s'obtenir à Madame de Lucilière, voyez comment est composée sa cour présentement. Un Anglais, Lord Ferguson, un Russe, le prince Seratov, un Espagnol, le duc de Mestosa. Il s'y trouve même un Turc, Serkis Pacha, sans compter, bien entendu, ceux que j'oublie ou ne connais pas. Pourquoi le Turc ou l'Espagnol n'auraient-ils pas importé chez nous les mœurs de leur pays? Il me semble qu'en Espagne, le commerce des couteaux est lucratif et qu'en Turquie, la vie d'un homme qui vous gêne n'est pas sacrée. avant même que le nom du colonel Chamberlain fût prononcé, on avait inventé une sorte de légende sur le crime de la forêt de Marly. On venait de trouver dans la forêt le cadavre d'un homme qui avait été assassiné sur la grande route. Le corps était chaud encore, et le couteau de boucher avec lequel il avait été tué était resté dans le ventre. On ne pouvait rien imaginer de plus horrible que cette blessure. Le couteau était rentré jusqu'à la moitié du manche, tant le coup avait été violent. La mort avait dû être foudroyante. On ignorait le nom de ce malheureux. Ses vêtements indiquaient un ouvrier aisé. Il ne portait sur lui aucun papier de nature à constater son identité. Il n'avait pas été volé. On était à la recherche de l'assassin et il y avait tout lieu de croire qu'il serait prochainement entre les mains de la justice. Ce récit de la première heure avait été celui d'un journal qui affichait la prétention d'être toujours bien informé et qui dramatisait la mort d'un chat lorsqu'il n'avait rien de mieux à offrir à ses lecteurs naïfs. Malheureusement, pour ce récit, un autre était venu le contredire le soir même. Le journal bien informé avait été trompé par la rapidité de son information. Le cadavre trouvé dans la forêt était celui de l'assassin même qui avait été tué dans la lutte. Le blessé n'était autre que le fameux colonel Chamberlain que tout Paris connaissait, le colonel Chamberlain qui, etc. Ce nouveau récit avait singulièrement embrouillé les idées du public. Quel était l'assassin ? Un nouvel article était venu rétablir la vérité des faits. L'assassin, disait la Gazette des Tribunaux, qui, comme on le sait, est le journal officiel du crime, était l'inconnu. Si tout d'abord on avait pu croire que cet inconnu avait été victime d'un assassinat, cela tenait à ce que son cadavre avait été ramassé dans la forêt par des paysans qu'il avait transporté au village de Fourqueux. De là, les erreurs d'un premier récit qui ne s'était occupé que de ce cadavre. Malheureusement, cette rectification était obligée de s'en tenir à des à peu près sur les circonstances du crime, car pour savoir la vérité entière, il aurait fallu interroger le colonel, et celui-ci était resté plusieurs heures sans pouvoir répondre aux questions qu'on lui adressait. Au moment où, en arrivant devant le perron du château, on l'avait descendu de voiture pour le placer sur un fauteuil et le transporter dans la chambre désignée par Madame de Lucilière, il avait été pris d'une syncope avec perte complète de connaissance. Sa tête était tombée sur son épaule et la marquise, s'avançant vivement, l'avait relevée et soutenue dans ses deux mains. Sa tête était décolorée, les lèvres blanches étaient à demi ouvertes, tandis que les yeux restaient clos. Tous les invités de la marquise étaient venus se grouper autour de ce fauteuil, et si parmi eux s'était trouvé un curieux, ayant pour tout souci d'observer ce qui se passait autour de lui, il eût pu, rien qu'en examinant les physionomies, faire des remarques significatives qui lui en eussent dit long sur les secrets sentiments de chacun. Assurément, c'était un tableau touchant que celui qu'offrait cet homme jeune et beau, peu d'instants avant plein de force, maintenant étendu sur ce fauteuil, le corps affaissé, les vêtements déchirés et souillés de sang et de poussière, si faibles qu'on pouvait croire qu'il allait mourir d'une minute à l'autre. Cependant, parmi ceux qui s'empressaient autour de lui et qui le regardaient, il y en avait plus d'un qui ne laissait pas paraître sur son visage la plus légère marque d'inquiétude ou de compassion. « Il me semble qu'il est mort, » dit le duc de Mestosa. « S'il ne l'est pas, il n'en vaut guère mieux, » répliqua le prince Seratov. « À quoi bon s'empresser autour de ce cadavre ?» dit Lord Ferguson à mi-voix. « Il serait plus pratique de ne pas perdre de temps et de se mettre tout de suite à la recherche des assassins qui ne doivent pas être loin. » Et comme le marquis venait de donner l'ordre à un domestique de monter à cheval pour aller au galop chercher le médecin, Serkis Pacha haussa les épaules. « Le médecin arrivera trop tard, » dit-il. « Ce qui est fait est fait. On ne ressuscite pas les morts et le colonel est bien mort. » Tandis que quelques-uns des hôtes du marquis montraient aussi combien peu ils s'intéressaient aux blessés, d'autres, au contraire, manifestaient hautement leurs troubles et leurs émotions. « Mais c'est là un événement épouvantable !» s'écria le baron Lazarus. « Comment, à deux pas de Paris, en plein jour, on peut être assassiné ? En France ? En France ?»« Il faudrait lui faire prendre un cordial !» dit le prince Manzazoli, s'approchant de la marquise. « Cette syncope ne doit être causée que par la perte du sang. Ce n'est, il faut le croire, qu'une défaillance. » « Mais assurément, dit le baron, un homme jeune et fort comme lui ne meurt pas ainsi. » Ida se tenait auprès de la marquise et, sans toucher au blessé, elle le regardait avec des yeux pleins de larmes. Quant à Carmelita, elle restait immobile sur une marge du perron, mais son visage ordinairement impassible était bouleversé. Près d'elle, sa mère détournait la tête du côté du parc et ses lèvres s'agitaient comme pour murmurer une prière. Au lieu de s'empresser autour du colonel, ce qui, à vrai dire, n'était pas indispensable, un des invités interrogeait le cocher de la voiture qui avait apporté le blessé C'était M. Le Méauté, le juge d'instruction. Tout d'abord, son premier mouvement avait été de s'approcher du colonel. Mais voyant que celui-ci n'était pas en état de l'entendre, et encore moins de répondre aux questions qu'il voulait lui poser, il s'était adressé au cocher. « Que savez-vous ? » ?»« Voilà. J'ai pris à la gare un voyageur nègre avec des bagages qui m'a dit de le conduire à Chalençon, et je suis parti. En route, ce voyageur nègre, qui parle français comme vous et moi, m'a dit qu'il allait au château rejoindre son maître chez le marquis de Lucilière, où il était invité à passer quelques jours. Et puis, on a parlé de choses et d'autres, tout entre-temps. Voilà qu'après avoir quitté Fourqueux depuis 20 ou 25 minutes, en plein bois, quoi, nous apercevons de loin, barrant le passage, deux corps couchés sur la route. Voilà de rudes pochards que je dis, et pas gênés du tout. On voit bien que c'est lundi. Je parie que nous allons être obligés de les déranger pour passer. On boit donc comme cela en France, que me répond le valet de chambre nègre. Non, que je lui réplique, ça ne se voit jamais. Je disais ça, vous pensez bien, pour l'honneur du pays, parce que moi je ne suis pas pour qu'on ne se couche sur les routes quand on a bu un coup de trop. On peut bien entrer dans le bois. Nous avancions toujours et les corps ne bougeaient pas. On dirait qu'il y a des taches de sang sur la route, me dit le valet de chambre nègre. Là-dessus, je lui ris au nez, parce que je voyais bien les taches sur la poussière, mais je ne pensais pas que c'était du sang. Tout à coup, voilà un des corps qui se soulève et qui crie d'une voix faible « À moi ! Mon maître !» répond le nègre avec un grand cri, et il saute à bas de la voiture avant que j'aie eu le temps d'arrêter mon cheval. Ainsi, le colonel était couché sur la route à côté d'un autre homme, son assassin. Et cet homme ? Mort, monsieur, d'un grand coup de couteau dans le ventre. Car pendant que le nègre se jetait sur son maître, moi, naturellement, et ne sachant pas que cet homme était un assassin, je m'occupais de lui. Et comme il était étendu le nez dans la poussière, je le retournais avec précaution. Mais la précaution était inutile, on pouvait le secouer, roide de mort. Alors je l'ai traîné sur le bord du chemin, tandis que le nègre pansait son maître, et puis adroitement, qu'on peut dire, bien doucement, comme une mère qui aurait soigné son enfant. Je ne suis pas naturellement bien douillet, pourtant ça me remuait. C'est que pour une blessure, c'en était une terrible. Depuis le haut de l'épaule jusqu'au ventre, une ouverture sur la poitrine et le sang qui coulait. Je n'aurais jamais cru qu'un homme pouvait perdre autant de sang. Quand le pansement était fait, nous avons bien doucement soulevé le pauvre monsieur, le nègre en le prenant par les épaules, ce qui lui a fait pousser un cri, moi par les jambes, et nous l'avons installé dans la voiture sans crainte de perdre les coussins, pensant bien que s'ils étaient tachés de sang, on ne ferait pas difficulté pour me les payer, comme il est juste, n'est-ce pas ? Mais l'assassin. Laissé sur le bas-côté de la route, il n'y a pas de danger qu'on le vole, n'est-ce pas ? Il n'y a pas crainte non plus qu'il s'en aille tout seul, car pour être mort, je vous assure qu'il est bien mort. Il s'y connaît, le colonel, au coup de couteau. Et comment est cet homme ? Vigoureux, bien bâti, une barbe noire comme celle du diable. Quel âge ? Dans la quarantaine. Son costume, celui d'un monsieur qui n'est pas un vrai monsieur, un paletot de drap. Mais le paletot était-il propre ? Je n'en sais rien, tant il était couvert de sang et de poussière. Sa physionomie ? Ah, dame, je n'en sais rien. Je veux dire son air. Dame, un homme qui vous regarde avec des yeux grands ouverts, immobile et qui est mort, vous comprenez, ça n'a pas trop bon air. Bien, restez là à ma disposition, on aura besoin de vous. Si c'est un effet de votre part de dire un mot pour les coussins. Pendant cet interrogatoire, le colonel avait été monté au premier étage par Horace et un domestique du château, la marquise marchant derrière eux et soutenant toujours dans ses mains la tête ballante du blessé. Le marquis de Lucilière, le baron Lazarus, le prince Mazzazzoli, Ida, Carmelita étaient aussi montés, tandis que les autres invités restaient sur le perron. Mais lorsqu'on était arrivé dans la chambre désignée par la marquise, Horace avait demandé qu'on le laissât seul avec un domestique s'occuper de son maître. Celui-ci avait besoin de calme, et lui-même avait besoin de liberté. Ce n'était pas devant tout ce monde qu'il pouvait déshabiller son maître et le panser. Alors il avait vivement débarrassé le colonel de ses vêtements. Puis, après l'avoir étendu sur le lit, il avait, avec des plaques d'amadou, posé un nouveau bandage sur la blessure. Elle saignait toujours, et il fallait arrêter cet écoulement sous peine de voir le blessé mourir au bout de son sang. Cependant, la fraîcheur du lit et quelques gouttes de rhum qu'on lui avait versées dans la bouche avaient fait cesser la syncope. Il avait ouvert les yeux et regardé autour de lui vaguement, comme s'il cherchait à comprendre où il était et ce qui s'était passé. « Vous êtes au château de Chalençon, » dit Horace. « Ne vous inquiétez pas, tout va bien, le médecin va arriver. » En effet, le médecin ne se fit pas attendre, et aussitôt arrivé, il procéda à un pansement moins primitif que celui employé par Horace. La blessure en elle-même n'était pas nécessairement mortelle. Ce qu'il y avait de plus grave, c'était la faiblesse, que le médecin ne s'expliquait pas bien, ignorant la lutte que le colonel avait eue à soutenir. « Est-il en danger ?» demanda vivement la marquise, qui attendait à la porte de la chambre. « Avec un homme aussi solide et aussi sain, rien n'est désespéré. Mais il nous faut un repos absolu. »